Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 et ses bulles de rêve. On va passer la parole à Alexis. C'est la surprise parce que je ne sais absolument pas de quoi va parler Alexis. Ça tombe bien, je ne savais pas non plus de quoi j'allais parler ce matin. Puisque normalement, au tout départ, je dois vous avouer que je vais vous parler d'un événement du monde de l'animation, un DVD qui va enfin sortir. 2h30 de merveilles d'Alexandre Alexeïev qui vont sortir chez un éditeur qui s'appelle Cinédoc. Malheureusement, le DVD est en retard, donc je me suis rabattu sur autre chose. Ce sera pour la prochaine. Tout à fait, tout à fait. Donc, je ne sais pas si nos auditeurs, même si nos invités ici, qui peuvent parler, sont présents sur les forums sur Internet. Est-ce qu'il y en a sur le studio? Non, pas d'amateurs de forums sur l'animation. Si, un petit peu quand même. Citer Foodanime. Alors, bah justement, moi je vous conseille d'y aller, car en fait, des espaces où on peut parler de notre passion, l'animation, il n'y en a finalement pas tant que ça. Il y a les festivals, bon, mais c'est une semaine par-ci, une semaine par-là, c'est pas toujours facile d'y aller. Il y a quelques rencontres, comme les carrefours de l'animation. Mais bon, les forums, c'est toute l'année, 24 heures sur 24, quasiment. Hein, les animateurs travaillent sur l'ordinateur d'un côté, puis discutent sur le forum de l'autre. J'aurais pas dire ça avec un producteur, mais bon. mais c'est comme ça. L'un des plus connus en France, en effet, s'appelle foodanime.org. Avec un S, foodanime.org. Là, vous y rencontrez plein de gens passionnants, aussi bien le réalisateur de l'inventaire fantôme, des étudiants, des passionnés, même des gens, en effet, travaillant au film du Nord, dont je tairai le nom. En tout cas, que du beau monde. Là, vous pourrez y voir les travaux de tous ces gens, trouver même un covoiturage pour aller au Festival d'Auge, qui est quand même un petit peu loin, et évidemment discuter des dernières news, par exemple de l'horrible relookage des Looney Tunes en Lunatics par la Warner. Dans cette nouvelle série, nos héros sont transformés en super-héros à base de super-pouvoirs, et il faut entendre Bugs Bunny transformé en Buzz Bunny lançant son fameux What's Up Doc, qui, comme dirait Judith, toujours sur le même forum, semble tout droit sorti de l'Exorciste. Terrifiant. Puis, des fois, au cours des discussions sur un sujet de réflexion un peu plus important, en tout cas, on a envie plus d'y réfléchir. Début février, un topic, c'est comme ça qu'on appelle un sujet sur les forums, est lancé par Aline Petite Fée. On trouve des pseudos très poétiques sur tous ces forums. Est lancé sur le film Le Fil de la Vie. Quelques personnes en discutent, puis Cress lance de toute façon, ce n'est pas un film d'anime puisque cela n'a pas été tourné image par image. D'ailleurs, Annabelle s'en était un peu posé la question le mois dernier en se demandant si finalement c'était un film d'animation. Donc je me suis demandé d'où venait la définition du cinéma d'animation. Qui, quand et pourquoi a-t-on décidé de donner une définition, donc un cadre au cinéma d'animation? Vaste sujet. Bon, un vaste sujet comme ça, on se replonge dans ses livres et j'ai repris tous mes livres. D'abord Le Petit Robert, édition 96. Cinéma d'animation, dessin animé, marionnette filmée. Un peu court, hein. Je trouve aussi. Donc je regarde. Visiblement, au-dessus, il y a une définition. Définition d'animation, action de donner la vie, le mouvement. C'est déjà un peu plus intéressant. Puis il y a une définition de 1923, j'ai pas trop compris, où, qui parle de cinéma d'animation comme la méthode permettant de donner par une suite d'images, entre parenthèses, dessin, photographie, prise image par image, etc., l'impression du mouvement. L'impression. Moi, il me semble que c'est bien le mouvement qui est créé dans l'animation et pas juste une petite impression. Donc, mais on s'approche quand même de quelque chose. Tout ça restant tellement flou, je me dis, bon, peut-être les spécialistes. Donc, je prends tous mes livres d'animation, j'en ai quelques-uns. Ceux-ci reprennent en grande partie la fameuse phrase de Norman McLaren, 57. McLaren déclare « L'animation n'est pas l'art des dessins qui bougent, mais l'art des mouvements dessinés. Ce qui se passe entre chaque image est bien plus important que ce qui existe dans chacune de ces images. » L'animation est donc l'art de manipuler cet invisible qui existe entre chaque image. Donc, McLaren définit l'animation non plus par la technique, image par image, mais parce qu'il estime être l'essence même de l'animation, le mouvement. Bon, je continue. La définition officielle du cinéma d'animation serait visiblement rédigée par la CIFA, on peut demander à Olivier ce qu'il en pense, dans les années 50, disant « L'animation, je cite, est toute création cinématographique réalisée image par image, auquel on rajoute, dans un film d'animation, les événements ont lieu pour la première fois sur l'écran. » Ah, donc on revient cette fois-ci au côté technique, mais qui introduit l'idée de créer la vie, qui est contenue bien sûr dans l'étymologie même du terme animation, créer la vie. Bon, mais peu de temps après quand même, la CIFA réintroduit la notion du mouvement dans sa définition en rajoutant la phrase « créer le mouvement et non l'enregistrer ». On revient à l'idée d'image par image. Puis en 80, la CIFA se rend compte que non, il y a quelque chose qu'il faut changer. Et donc, il décide de faire une nouvelle définition officielle, qui devient alors « Par art de l'animation, il faut entendre la création d'images animées par l'utilisation de toutes sortes techniques, à l'exception de la prise de vue réelle. Oh. » Donc, quasiment tout est de l'animation. Bien sûr, la CIFA commence à se rendre compte de l'étroitesse de la définition. L'ordinateur arrive, et forcément... tout est créé en fait à l'intérieur. Donc comment? Donc on s'y perd plus tellement de... Ah. Tout n'est pas créé dans l'ordinateur. C'était pas possible. Le mouvement. Non, non, soyons clairs. Je parlais bien donc d'un seul coup de ce que parlait de ce dont parlait McLaren, c'est-à-dire c'est ce qui se passe entre chaque image, cette espèce de petit rien. Donc, à partir d'elle, il faut changer. Finalement, est-ce que la complexité d'une définition de l'animation, ce n'est pas du fait même qu'elle se nourrit de tous les arts créés avant lui, avant cet art, et qu'il intégrera au fur et à mesure tous les arts et les outils qui vont être créés par la suite, l'animation, une espèce de mélange de tout ça, il ne se confine pas à juste image par image. Et finalement, ce qu'on peut se poser comme question, c'est plutôt pourquoi on veut donner une définition à l'animation, puisque, après tout, on ne sait pas plus là, avec toutes ces définitions. Alors, on va laisser la parole à Alexeyev, qui, dans la préface de Cartoons de Bendadzi, dit « Le film d'animation est victime d'une erreur de classification, ou plutôt de deux erreurs. L'une consiste à le confondre avec le dessin animé, comme on confondrait un avion avec un cerf-volant, et la seconde à le considérer comme une sorte de cinéma, alors qu'il pourrait s'agir tout aussi bien de peinture, de dessin, de gravure ou même de sculpture en mouvement. Ah, » Alexeyev nous montre ce qu'il parle. En fait, tout cela pourquoi ça nous permet finalement de l'opposer au cinéma traditionnel. Le vrai problème, c'est que l'animation est finalement sortie de son cadre. C'est le premier, et il a accepté de changer et de devenir, en fait, alors qu'il était le frère aîné du cinéma, de devenir son frère cadet. Et finalement, d'accepter que le cinéma part son premier. Alors, finalement, le fil de la vie, animation ou pas, est-ce que ça a vraiment une grande importance? Espérons juste qu'un jour, on ne parlera plus d'un film selon sa technique, mais bien selon son genre. Oui, je sais, on rêve, mais après tout, est-ce que ce n'est pas le titre de l'émission? Bravo, Alexis. Alors, juste une précision, la fameuse entité ACIFA, ça veut dire Association Internationale du Film d'Animation, Alexis n'avait pas précisé, donc un peu une autorité morale en quelque sorte. Bon, c'est vrai que c'est un problème insoluble et de plus en plus parce que les outils qu'on a aujourd'hui nous permettent de faire des choses. Moi, j'ai vu, on m'a présenté un film il n'y a pas très longtemps, un jeune réalisateur qui est venu avec son DVD, qui m'a montré le film. Je lui ai dit, oui, c'est un film, évidemment, c'est un film d'animation, d'animation d'objets et pixelation, quoi. Et il me dit, non, pas du tout, en fait, c'est le film en vue réelle, numérisé, et ensuite... J'ai modifié le film pour qu'il ait une apparence d'image par image, mais ça n'en est pas du tout. Donc finalement, conclusion, est-ce que le cinéma d'animation existe vraiment? J'en sais rien. C'est peut-être un esprit, un état d'esprit, une démarche, on va dire, artistique qui fait que c'est un film d'animation ou pas. On peut peut-être demander. Finalement, moi j'en reviendrai peut-être ça. Les frontières c'est comme la techniquement, ça me paraît difficile. Les frontières disparaissent peu à peu. Pourtant, ouais. C'est très clair quand on me propose un projet, je vois très clairement, je pose toujours la question, parce qu'on me téléphone comme souvent, est-ce que c'est un film d'animation ou est-ce que c'est un film de fiction? Comme c'est dans 80% des cas de la fiction, je dis, écoutez, je ne fais plus ça. Donc c'est vrai que malgré tout, il y a une frontière, mais je serais bien capable de la dessiner, surtout que j'aime pas les frontières. Mais parfois, elle est floue. Mais elle est floue, mais elle est surtout floue, enfin c'est embêtant qu'elle soit floue dans le cadre des festivals d'animation, dans le cadre des prix pour l'animation, dans le cadre des fonds pour l'animation, etc. Parce que là, il y a un moment donné où ça peut porter préjudice. Moi, comme producteur, de toute façon, à la limite, si je tombe amoureux d'un film de fiction, je peux le produire quand même. Oui, bien sûr. De fiction, je veux dire, traditionnelle. Parce que l'animation, c'est la fiction aussi. Oui. Ouais. Mais c'est ça. Est-ce que finalement, la technique devrait passer en parler, mais Signe de vie est un bel exemple de cette frontière finalement. Mais c'est vrai très difficile. Il fait la transition. Bon, moi je ne sais pas dessiner, je le dis tout de suite. Voilà. Donc j'ai réalisé ce film, Signe de vie, grâce à une équipe d'animateurs, de dessinateurs, Gilles Cuvelier comme assistant et développeur graphique, Gabriel Jacquel comme animateur et d'autres. Et ils m'ont dit très vite, Arnaud, on sent que tu viens, dans ton écriture du scénario, du découpage, parce que ça, j'ai fait le découpage, on sent très, très bien que tu viens de la fiction. Et justement, c'était intéressant et c'était une gageure pour eux. Ils ont dit, animer la femme dans la partie, entre guillemets, réaliste du film, c'était super dur parce que je la faisais marcher très lentement de manière... comme dans une procession. Sinon, en animation, on fait des mouvements dans tous les sens, beaucoup moins sobres, beaucoup plus fluides, enfin pas fluides, mais beaucoup plus envolés. Et donc, je dis non, moi je veux que ce soit comme presque une ombre chinoise d'une comédienne qui traverse une forêt, sauf qu'après, l'animation permet plein de choses. Et c'est vrai que je viens de la fiction et mon écriture mêle un petit peu les deux univers. Surtout que la danse dans le film a d'abord été filmée, la chorégraphie a été écrite, a été dansée, elle a été filmée, elle a été montée et elle a servi de référence, non pas pour une rotoscopie, mais de référence pour les animateurs qui ont été tirés des images de cette vidéo-danse comme on choisirait des poses clés qu'on dessinerait. Ils les ont mis à côté d'eux sur leur table lumineuse et comme la morphologie de la danseuse dans ma vidéo n'est pas du tout la même que la morphologie du personnage du film, ils ne pouvaient de toute façon pas décalquer, ils devaient bien s'inspirer du mouvement, retrouver le mouvement à travers la ligne que je voulais, qui était une ligne d'encre chinoise. C'est du feutre pinceau, mais genre encre chinoise. Voilà, donc c'est vrai que je mélange le life, comme on dit, et le dessin animé. Donc quelque part, après avoir vu plusieurs de vos petits camarades faire leur film, vous n'avez pas résisté à la tentation de vous-même de faire un film d'animation. C'est venu comme ça ou Alors, c'est amusant parce que bon, j'ai toujours continué à écrire des scénarios, mais pas spécialement pour l'animation, en commençant à produire les films d'animation. Alors, j'avais engagé Gilles Cuvelier pour être assistant animateur sur l'écrivain. L'animateur qui envoyait les dessins au studio m'avait promis une certaine régularité qui n'a pas du tout tenu. Et alors, je payais parfois Gilles et Gilles me disait « Mais demain, Arnaud, demain, j'ai plus rien à faire. » Je dis « Merde, mais qu'est-ce que je vais te faire faire ?» Et j'étais à ce moment-là, une période difficile de ma vie privée, en plein deuil, parce que je venais de perdre mon père. Et j'avais un scénario qui parlait de ça. Et j'avais fait un découpage. Et je dis « Écoute, est-ce que tu ne veux pas faire mon storyboard ?» Et en fait, c'était pas encore vraiment dessiné comme d'animation dans ma tête. Ce scénario, c'est un objet virtuel qui existait, que j'ai mis sur papier en une demi-journée sous le cerisier un beau jour de printemps. Et puis j'étais voir Gilles et je lui ai dit « Écoute, est-ce que tu peux commencer à dessiner, faire le storyboard ?» Et en fait, dans ces jours où il n'avait pas travaillé pour l'écrivain, il a développé le storyboard de Signe de Vie. Puis on a avancé vers le développement graphique. Je lui ai amené des références, Baudouin, entre autres, que j'aime beaucoup dans la BD. Mais aussi Henri Michaud, un livre qui s'appelle Mouvement, où il faisait des idéogrammes en Chine, et puis des choses, des formes complètement abstraites, comme des idéogrammes. Et j'avais dit, voilà, je veux ça pour la danse. Je veux tomber dans une abstraction, être entre le signe et le corps. On pourrait peut-être raconter le sujet du film, non ? Alors, c'est l'histoire d'une femme qui veut mettre fin à ses jours suite à la perte de son mari, de son amant, son compagnon. Et elle va sur une falaise pour s'en jeter. Et quand elle veut se jeter de la falaise, il y a un vent qui la repousse très violemment. Et il y a l'esprit de son mari, où il y a une sorte d'expérience intérieure, qui l'invite à danser. À travers cette danse, elle vit à la fois ce désir de mort, l'abandon, et puis le désir de vie qui revient et qui remonte et puis qui gagne sur le désir de mort. Et à la fin, pas très grand public comme sujet, non ? Mais en fait, j'ai pas pensé à ça du tout, mais il plaît beaucoup, je vois, il tourne beaucoup, donc c'est quoi être grand public ? Et en tout cas, chaque fois que je le montre et que je suis là, des gens viennent m'en parler, et quasiment à chaque fois, des gens se mettent à pleurer et partent parce qu'ils peuvent pas m'en parler jusqu'au bout. Et donc, je crois que ce film touche. Par une certaine vérité et une certaine simplicité. Et en fait, bon, pour tout dire, l'écriture d'un scénario, c'est très très particulier. Ça vient d'un tas d'influences. Par exemple, j'ai pleuré devant une chorégraphie de Cyril Vialon dans un spectacle qui s'appelait Les Petits Riens. Et je ne comprenais pas pourquoi je pleurais alors que les autres étaient en train d'avoir un bon moment assez doux, assez rêveur. Et ça parlait des petits riens de la vie. Et c'était une femme qui se laissait balancer dans le vent. Et le vent, c'était Cyril Vialon qui lui soufflait dessus. Et j'ai longtemps cherché, en vivant le deuil, j'ai compris qu'à travers ce corps qui se laissait aller dans le vent, il y avait l'abandon du corps, l'abandon du physique, une sorte d'acceptation de la mort. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et j'ai dit, Cyril, je voudrais retrouver dans mon film cette émotion que je n'avais pas compris au début, qui était assez inconsciente, en faisant rejouer à cette danseuse cet abandon du corps. Et je veux que mes dessinateurs viennent sur le plateau faire des croquis et qu'on étudie pour un dessin animé. Et bon, là, il y a cette influence-là. Il y a eu La Petite Roque que j'ai lue il y a 10 ans, qui est une nouvelle qui n'a rien à voir avec mon film, où un homme fait un crime pédophile, le maire d'un village. Maupassant, c'est ça ? Maupassant, oui, pardon, le Maupassant. Et puis il le regrette, il écrit une lettre comme quoi il explique ça à ses concitoyens, et puis il veut aller se jeter de haut d'une falaise. Et en allant se jeter d'une falaise, il avait posté la lettre. Il voit le facteur arriver, qui va aller chercher la lettre, il dit non, non. Il monte sur cette falaise, et puis il y a de l'humidité dans l'herbe, c'est la fraîcheur du matin, il y a cette vie qui monte, cette journée qui commence, et il dit mais non, mais je veux vivre. Je veux vivre. Et il retourne, mais c'est trop tard parce que le postier a pris la lettre. Ça m'a marqué terriblement. C'est un criminel, ça n'a rien à voir avec mon personnage, mais cette vie qui remonte en allant vers la mort, voilà, c'est dans mon film aussi. Et en fait, un scénario, c'est fait d'un tas d'influences diverses, et puis tout d'un coup, ça se cristallise. Ça s'est cristallisé au moment du décès de mon père. Et puis, comme j'avais mon équipe d'animateurs autour et de dessinateurs, et que moi, je n'ai pas dessiné, je leur ai dit, est-ce que vous voulez être ma plume, ma main ? Et voilà, ils ont donné l'âme au film. Est-ce qu'en vue réelle, ça aurait été foncièrement différent comme film ? Impossible, ça aurait été, à mon avis, cucu, de voir une femme se déshabiller devant un miroir, de voir se déshabiller en haut d'une falaise, ça aurait été romantique. C'est romantique, ça aurait été insupportablement romantique. À mon avis, la crudité de la chair, la distance crée l'émotion, je pense, dans le film. Mais c'est ce que je trouve dans l'animation. La distance, l'abstraction, la distance permet d'accéder à un univers intérieur. à une émotion, à quelque chose de mental, mais de très vrai, de pas charnel, mais de très vrai. Et tous les autres films que je suis en train d'écrire dans la trilogie de films chorégraphiques, d'animation chorégraphique, se servent de ce procédé-là. Je passe par l'abstraction, par la distance, pour une émotion très forte et très vraie. Benjamin Legrand, pourquoi vous avez donné le prix à ce film, à Clermont-Ferrand ? C'était le prix SACD, oui, clairement. Parce que la SACD, c'est une sorte de chose multirépertoire. Il y a du théâtre, de la danse, du cinéma, de la télévision, de l'animation. Et dans son film, il y a à peu près tout ça. C'est un peu plus qu'un dessin animé, en fait. Il y a un énorme travail, comme il l'a dit, sur la chorégraphie. Il y a énormément d'émotions. Il y a... Je sais pas, c'est un film. Bon, puis j'avais un avantage certain pour donner un prix, c'est que j'étais seul juré. Pas... C'était une décision personnelle. Donc moi, j'ai vu tout ce que je devais voir comme film sélectionné première œuvre, et c'est celui qui m'a le plus ému. Donc c'est moi, je marche vachement à l'émotion quand je l'entends parler de son film. Et moi, en tant que scénariste et écrivain aussi, c'est exactement ça. Quand il ce qu'il exprime sur la création, comment ça se fabrique dans la tête, comment ça ressort après. Sur un écran ou dans un bouquin, c'est la même chose. On prend des choses d'un peu partout et puis ça vous constitue. Et puis à un moment, on les restitue. Quoi. C'est, On peut peut-être dire un mot sur la SACD. Alors, société, la SACD, c'est la Société des auteurs, compositeurs dramatiques. Encore un sigle. Ouais. Alors, bah, ça existe depuis bon marché. Bah, c'est une société d'auteurs. Il y a 42 000 auteurs. C'est pas rien. Ça représente tous les répertoires qui, sauf, disons, la musique, qui est tout ce qui est SACEM, la musique. Alors, la musique qui a la SACD, c'est l'opéra et tout ce qui est musique de scène. Alors, c'est quoi les auteurs ? Ce sont les gens qui écrivent. Alors, il y a, comme il disait, chorégraphie, ça s'écrit. Quelque part. En tout cas, il y a un moment, y en a qui ne l'écrivent pas, qui travaillent en improvisation. Bon, le théâtre, ça s'écrit. Le cinéma, ça s'écrit. L'animation, ça s'écrit. La télévision, ça s'écrit. Il y a même la radio, les pièces radiophoniques, le répertoire radio. Il y a même maintenant les arts du cirque à la SACD et les arts de la rue qui viennent d'entrer au répertoire. Donc, ça regroupe. C'est une société qui collecte l'argent de partout où il vient. Pour le rétribuer aux auteurs. C'est-à-dire que les chaînes de télévision, par exemple, sur leur budget, enlèvent un certain pourcentage de leur budget général. Ce budget est partagé entre les différentes sociétés d'auteurs, la SACEM, la SACD, la SCAM pour les documentaires. Et sur cet argent après est redistribué aux auteurs en fonction de tout un tas de barèmes très compliqués qui sont l'heure où c'est passé, la durée du film ou de l'émission de télévision, etc. Alors, ce n'est pas simplement... les scénaristes, ce sont aussi les réalisateurs. Les réalisateurs de cinéma. Les réalisateurs de cinéma. Graphiques. Les auteurs graphiques sont au niveau, pour l'instant, entrés au niveau des bibles graphiques, c'est-à-dire les créateurs graphiques de la Bible. Ouais. Mais c'est assez extraordinaire parce que c'est un truc mutualiste en fait. Là, c'est-à-dire, il y a de l'argent qui est pris sur les places de théâtre qui va aller à l'action sociale générale pour donner de l'argent à des pauvres, des héritiers ou des veuves d'auteurs de cinéma d'il y a 50 ans et ainsi de suite. Tout cet argent est mis en commun pour être redistribué aux auteurs. Alors ça s'adresse aussi aux étudiants. C'est très important que les gens qui font des films de fin d'études dans les écoles aient des contrats d'auteur. Parce qu'après, ils vont devenir très vite auteurs. Donc, par exemple, il faut qu'on le fasse maintenant dans à peu près toutes les écoles, mais on va tous les ans, on va une fois par an à La Poudrière et à Supinfocom faire une espèce de petite conférence pour expliquer pour expliquer aux étudiants qu'est-ce que ça va être leur carrière au niveau du droit d'auteur, que le droit d'auteur c'est un droit de l'homme, ça c'est le slogan de la SACD. Je pense que c'est extrêmement important dès l'école, s'ils sont destinés à devenir un jour réalisateur ou scénariste, il y en a qui créent des bibles graphiques maintenant dans les sociétés des anciens élèves. C'est très très important que justement la SACD intervienne dès l'école et pour que dès qu'ils sortent, ils soient armés aussi pour pouvoir se défendre. Et parce que la SACD est là aussi pour défendre les auteurs et pas aussi, est là pour défendre les auteurs. Ouais. Et pour les écoles, les étudiants, ils ne payent pas leur cotisation la première année quand ils sortent de l'école. ne sera pas très cher la cotisation par an. Mmh. Ça, ça doit être 35 euros, mais ouais. même ça, ils ne le payent pas. C'est bien ça leur est offert. Ouais. Ouais. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que vous n'êtes pas un salarié de la SACD. Vous êtes vous-même un auteur, donc vous avez commencé vous en étant assistant réalisateur, acteur, mais avant tout, vous êtes un scénariste à la fois... Bon, pour l'animation, pour la bande dessinée, pour la télé, le cinéma, les longs métrages de cinéma et tout ça. Donc vous êtes avant tout un auteur qui a été élu. Ça, c'est grâce au travail de mon prédécesseur, qui était lui seulement conseiller. Il n'y avait pas d'animation avant, c'est un répertoire qui n'existait pas à la SACD. Et ils ont réussi petit à petit à grignoter à dire, bah, attendez, l'animation, ça représente un poids énorme, c'est presque 40% de ce qui passe à la télévision. Tous les matins, je veux dire, on oublie ça, mais tous les matins, il y a des dessins animés sur la 3, sur la 5, sur la 6, sur la 1. Il n'y en a plus sur la 2, malheureusement, mais c'est un volume énorme. Et donc, c'est pas normal qu'il n'y ait pas un représentant. Ouais. Qu'on a reçu ici. Ouais. C'est pas normal qu'il n'y ait pas un représentant. Et il y a eu des élections. Et auquel je me suis présenté, ma plus grande surprise, j'ai été élu. Je me suis retrouvé à la place de François Emmanuel. Et donc, quel est votre rôle, finalement, à la SACD ? Le rôle de maintenant que vous êtes élu. Maintenant que je suis élu, d'abord, c'est de s'occuper de tous les problèmes, tous les dossiers qui peuvent concerner l'animation. Après, on a tout un rôle au niveau de l'action culturelle. On s'occupe de décider à combien on va donner à chaque festival, d'organiser tout. Enfin, c'est vachement compliqué. Moi, je ne savais pas. Si j'avais su, je crois que je n'aurais pas découragé les prochains. Non, mais c'est présentez-vous, engagez-vous. Une fois que tu y es, c'est très bizarre. Puis surtout que tu as... Comme c'est multi-répertoire, on est quand même 28 au conseil d'administration. Il y a 4 réalisateurs de télévision, 4 scénaristes de télévision, 4 réalisateurs de cinéma, 6 personnes au théâtre. Et puis alors la radio, le cirque et l'animation, on est un. J'en ai un. Alors on est tout seul. Alors quand il y a des discussions, pour essayer de faire passer quelque chose, quand tu es tout seul, c'est beaucoup moins facile que quand tu es 4 ou 8. Quoi. Ouais. Mais ça veut dire quoi ? C'est qu'avant, les auteurs d'animation n'étaient pas rémunérés par la SACD ? C'est pas rémunéré, non, ils étaient rémunérés, ils étaient considérés comme auteurs, mais ils n'avaient pas de représentants élus. D'accord. Voilà, au sein de l'administration. Au sein de l'administration. Parce que la différence entre, par exemple, la SACD et la SACEM, c'est que la SACEM, c'est géré par la direction générale, c'est pas géré par les auteurs. Alors que là, toutes les décisions sont prises par le conseil d'administration qui est exclusivement composé d'auteurs. Combien de membres au conseil d'administration ? On est 28. Là. Et un pour l'animation. Un pour la danse, il y en a une pour la danse, c'est Karine Saporta. Il y a des figures. Hein. Au théâtre, il y a Jean-Claude Carrière, Jean-Claude Grimbert. Tu vois, il y a quand même des... Au cinéma, en ce moment, il y a Claude Miller, Francis Giraud, Jacques Fonsten. Et le président, c'est Laurent Henneman. Non, il y a du beau linge. Hein. Mais c'est des gens vachement sympas. En fait, ce qui est incroyable, c'est cette espèce de communauté d'auteurs de tous les répertoires mélangés. Quoi. Ça, c'est vachement intéressant. Est-ce que tous ces gens connaissent bien l'animation ? Non, justement, ils découvrent. Alors ça, c'est marrant aussi. Alors, on trouve des appuis tout d'un coup, notamment parce qu'on a énormément d'actions culturelles en fait à la SACD. Alors ça se traduit comment l'action culturelle, par exemple ? Moi, je grignote sur le budget de la télévision et sur le budget du cinéma parce que l'animation, on a un pied dans chaque truc. Donc, j'ai des fonds qui viennent des deux côtés. Et donc, je suis sous le contrôle du cinéma et de la... Si je demande quelque chose et qu'ils trouvent que si ça ne leur plaît pas, ça ne passe pas. C'est à moi de le faire passer. En fait, c'est un des rares domaines dans l'animation où vous occupez à la fois du cinéma et de la télévision. Parce que quand même, une des caractéristiques du monde de l'animation, c'est d'être un peu schizophrène, à une coupée d'un côté de la télévision et l'autre côté du cinéma qui se traduit souvent par des courts-métrages. Soit tu fais de la série, quoi. Il y a l'art industriel d'un côté et l'art tout court de l'autre. Et vous arrivez à concilier les deux c'est pas évident, mais... Mais moi, ce que j'essaie surtout de faire pour le cinéma, l'action culturelle, elle va beaucoup plus à tout ce qui est effectivement création artistique. Elle va au festival, elle va donner des prix dans les festivals, à essayer d'aider les jeunes, à aider les écoles. Elle va beaucoup plus à ça. Les sous viennent de la série. C'est une redistribution des richesses qui est pas inintéressante, quoi, quand même. Juste par rapport à ça, est-ce qu'on commence pas non plus à en sortir un petit peu, une série comme Le Petit Vampire? Après, ouais, ouais. Johannes Farr, ou des gens. Est-ce que justement, on peut. Oui, mais ça reste quand même au niveau, au niveau des techniques de fabrication, des de production et de distribution, tout ça, c'est quand même très, très industriel. Hein. Oui, alors il y a, quelques, des choses hybrides. C'est vrai que le spécial télé, par exemple, on sait très bien que c'est quelque chose qui est entre le court-métrage et la série. Selon les spéciaux, on a des choses qui sont plus proches du court-métrage, puis d'autres plus proches de la série. Mais ça ne produit pas beaucoup des spéciaux, malheureusement. Non, mais enfin, il y en a quand même. Bon, il y en a peut-être, je ne sais pas, trois par an, maximum. Ouais, enfin, mais qui ne sont pas fabriqués en France, par contre. Eh bien, justement, si. Justement, par exemple, Verte. C'est l'exemple qui confirme l'absence de règles. Non, parce qu'en fait, bon, on connaît, je suis bien content que le studio, je suis bien content qu'il a techniquement. Fait à Paris, et bon, j'espère que je ne dis pas une bêtise, mais enfin, moi j'ai quand même entendu Marc Jousset me dire, c'est la dernière fois, c'est la folie furieuse, on a failli pas s'en sortir, on l'a fait parce qu'on voulait le faire en France, avec des animateurs d'ici, mais en fait, c'est une mission impossible. Et les autres ont tous de la série, de la collection de France 3, ont tous été faits à l'étranger, et je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'autres qui se font pour l'instant en France. C'est une fameuse question. Suis d'Émile Bourget Non. Il n'avait pas été fait ici, il était fait à l'étranger, je crois. Moi, comme il n'avait pas pu boucler sur la France. Comme producteur, je ne produis pas à 26 minutes si je ne le fais pas en France et en Belgique. Ou à la limite avec des pays, je dirais, collègues, coproducteurs, ou francophones, ou même en Europe. Mais si c'est pour voir partir très loin et ne plus accompagner, si ce n'est un gars qui va faire le séminaire en Corée. Moi, ou bien avec des techniques papier découpé ou qui permettent de le refaire ici. Hein, Et le projet de Virginie Gourdin, c'est pas 26 minutes ? Si, tout à fait. Bah, pour l'instant, elle travaille à Londres sur plein de projets, donc elle développe assez lentement. On s'est vu il n'y a pas longtemps, je lui ai demandé de me dire un petit peu où elle en est. Et elle est passée de la 2D maintenant à la 3D, parce qu'à Londres, elle fait la 3D, donc elle a envie de passer en 3D. Technique que moi, je ne maîtrise pas du tout en tant que producteur dans mes studios. Donc je lui dis oui, mais alors faut m'expliquer ce que ça veut dire et avec quel type d'équipe tu veux travailler, etc. Si c'est à 26 minutes, mais c'est vrai que si c'est pas pour le faire ici, ça, je le donnerai à un autre producteur. Après l'avoir développé. Benjamin, qu'est-ce qui vous semble le plus important dans votre rôle ? À quoi vous vous sentez vraiment le plus utile ? À la SACD ? Ouais, dans le rôle d'administrateur de la SACD. Et bah, bizarrement, un truc qui n'a rien à voir avec le dessin animé, c'est que je fais partie de la commission d'aide sociale et que j'aide les auteurs en difficulté, quels qu'ils soient. Il y en a de tout. Hein. Et il y a des jeunes qui n'ont plus une thune, qui sont... Il y a des gens âgés. Il faut en parler de ça. Moi, je n'étais pas au courant de ce qui se passait. L'aide sociale à SACD. L'aide sociale, on est deux, plus une fille de l'administration qui est une nana absolument géniale. Et donc, on a un vieux réalisateur de télé et moi. Et personne n'était volontaire pour s'occuper de ça. Quoi. C'est un peu bizarre. Il faut dire que c'est Dickens un peu. Tu vois, c'est un peu. Tu plonges dans les dossiers, la vie des gens, quoi, les découvertes bancaires, les chômages qui n'arrivent plus, les machins. Et on a des fonds, on a deux fonds différents, un qui sont un leg d'un auteur dont j'ai oublié le nom, la fondation Paul Millet, je crois. C'était un auteur des années 30 qui avait une énorme propriété et la vente de ce truc-là générait de l'argent, ça se fait un fonds. Puis on a des fonds qui sont pris directement sur le fonctionnement du budget général. Ouais. Et ça sert, après examen des dossiers, à sauver momentanément, parce qu'on ne peut pas donner des millions non plus, mais quand quelqu'un qui est en difficulté grave reçoit 2 ou 3 000 euros, ça fait du bien. Quoi. Donner un petit peu d'espoir à des gens vraiment en difficulté, pas forcément des veuves, et, tu vois, souvent des jeunes.